إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد شخص السر. On se retrouve aujourd'hui pour entamer une nouvelle série de cours autour de l'épître de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, intitulé Al-Farqu bayn al-Nasiha wa al-Ta'yir, la différence entre le conseil et le dénigrement. Comme vous le savez, il fait partie des particularités de notre communauté et des caractéristiques par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a décrit la communauté de l'islam que ses adeptes commandent le convenable et interdisent le blâmable. Et ceci fait partie des plus grandes obligations religieuses sans lesquelles la religion ne peut être établie. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde, il s'est porté garant de la préservation de la religion de l'islam. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre « Inna nahnu nazzalna dhikr » Wa inna lahu lahafidhun. Nous avons fait certes descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui en sommes les protecteurs. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve cette religion. Il la préserve de toute altération, de tout ajout et de toute diminution, et ce, jusqu'au jour de la résurrection. Et parmi les choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala préserve la religion de l'islam, il y a le commandement du bien et l'interdiction du mal. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de la communauté de l'islam en disant dans son noble livre « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna anil munkar, wa tu'minuna billah. » Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. La meilleure des communautés, c'est la communauté de l'islam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ses caractéristiques. Vous commandez le convenable, vous ordonnez le bien, et vous interdisez le blâmable, et vous croyez en Allah. On voit donc que le commandement du bien et l'interdiction du mal font partie des caractéristiques les plus immenses desquelles doivent se parer les gens de l'islam. Et il fait partie du commandement du bien et de l'interdiction du mal de réfuter les erreurs de ceux qui font des erreurs dans le domaine religieux, de les clarifier et de les dénoncer, même si pour cela, on peut parfois être amené à mentionner le nom de l'auteur de ces erreurs, et ce afin que les gens prennent garde à lui, ne le suivent pas dans cette erreur, et ne le suivent pas dans son égarement ou son opposition à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela dans le but de préserver la religion et de préserver les musulmans du suivi d'une voie autre que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens de science sont unanimes à ce sujet, et ce depuis les premiers siècles jusqu'à nos jours. Et les textes du Coran, de la Sunnah, et les paroles de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, démontrent la légitimité des mises en garde. Et j'ai donné, il y a quelque temps, une conférence à ce sujet, dans laquelle j'ai mentionné un certain nombre de paroles à ce sujet, et je vous invite à y revenir et à l'écouter pour plus de détails à ce sujet. Et il faut savoir que parmi les gens, certains se sont opposés aux imams de la sunna et aux imams du hadith lorsque ces derniers ont pris en charge cette noble obligation, l'obligation de commander le bien, d'interdire le mal et d'adresser le bon conseil, al-nasiha, pour l'ensemble des musulmans. Ils ont parfois alors été amenés à dire au sujet de certaines personnes « Celui-ci est un menteur, celui-ci invente des hadiths, celui-ci a une mauvaise mémoire, celui-ci est un innovateur » et ainsi de suite. Tout cela afin de préserver la religion de toute altération. Et des gens se sont opposés à eux et ont dit « Vous médisez les musulmans. Vous faites de la médisance. Vous portez atteinte à l'honneur des musulmans. Alors, les savants du hadith leur ont expliqué que ceci ne faisait pas partie de la médisance, mais que ceci relève du domaine de la nasiha, du bon conseil, et de la clarification afin de préserver la religion de l'islam. Et il n'y a pas de doute que la base et que l'honneur des musulmans est sacré, et il est interdit de porter atteinte à l'honneur des musulmans, ou de médire sur eux, comme cela est venu dans de nombreux textes, et on en verra quelques-uns, inshallah ta'ala. Toutefois, il faut savoir que le fait de préserver la religion est d'une importance capitale. C'est pour cela que pour préserver cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala a permis certaines choses dont l'apparence est semblable à celle de la médisance, mais qui ne font pas partie de la médisance. À supposer qu'un homme parle sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, qu'il mente sur Allah subhanahu wa ta'ala ou sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors qu'il invite les gens à suivre une voie qui s'oppose à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il appelle les gens aux innovations, il va de soi qu'il sera une obligation pour les gens de la vérité de mettre en garde contre cette personne ou contre ce groupe, afin que les musulmans prennent garde, afin que les musulmans comprennent que cette voie n'est pas la bonne voie à suivre, et afin que les musulmans s'écartent du suivi de cette personne qui les égare du chemin droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie de la nasiha, et cela fait même partie des fondements de notre religion. Beaucoup de personnes sont gênées lorsque certains parmi les gens de science, ou parmi les étudiants en sciences, ou parmi les prédicateurs, font des mises en garde, ou avertissent les musulmans contre des groupes égarés, ou contre des individus égarés, et ils pensent que ceci est une perte de temps, ou que cela affaiblit les musulmans, ou autre chose semblable. Alors qu'en réalité, ceci fait partie des fondements de notre religion. Écoutez à ce sujet une parole de l'éminent cheikh, Salih Ali Cheikh, Hafidhahullah Ta'ala. Il dit: la réfutation des contradicteurs est une des plus grandes manières de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que cela est une des plus grandes formes de lutte dans le sentier d'Allah. Et ceci est vrai. Cela peut même être encore mieux que combattre les ennemis venant de l'extérieur. Méditez sur cette parole. Cela peut même être encore mieux que combattre les ennemis venant de l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas musulmans. Ensuite, il dit, c'est-à-dire que combattre les ennemis venant de l'intérieur, ceux qui sont musulmans, ou qui s'affilient à cette religion, mais qui suivent une voie autre que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, c'est-à-dire que combattre les ennemis venant de l'intérieur est plus important que combattre ceux venant de l'extérieur. Car l'animosité des ennemis extérieurs est claire, contrairement à celle des ennemis venant de l'intérieur. Le cheikh, hafidhahullah, ici, il attire notre attention sur une chose très importante. L'animosité des ennemis de l'extérieur, elle est claire. Le juif, le chrétien, le polythéiste, le bouddhiste ou autre, tout musulman sait que celui-ci est sur une voie autre que celle de la voie des gens de l'islam. Tandis que l'innovateur, celui qui s'affilie à cette religion, et pire encore, celui qui s'affilie mensongèrement à la sunnah, comme le font nombre de personnes parmi les adeptes de la secte des frères musulmans, qui s'apparentent aux gens de la sunna, se mélangent aux gens de la sunna un certain temps, afin de propager leur poison. Cela, il est important d'avertir contre eux, de mettre en garde les musulmans afin qu'ils prennent garde à ces personnes égarées qui suivent une voie autre que celle de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh dit, et parmi les plus grandes hostilités, la présence de gens parmi les musulmans qui les appellent à une autre voie que celle des pieux prédécesseurs, en propageant les innovations, le polythéisme et les voies égarées et déviées comme celles des Rafida ou des Khawarij. Il n'y a pas de doute que la réfutation de ces gens-là est une des plus grandes adorations. Réfuter les soufis et les gens des voies égarées est une des plus grandes adorations et une des meilleures obéissances. C'est une sorte de combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est indispensable, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Fala tuti' al-kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. N'obéis donc pas aux mécréants, et avec ceci, avec le Coran, lutte contre eux vigoureusement. Ensuite, il dit, Hafidahullah, les combattre par le Coran et la science est une des plus grandes formes de djihad. Mais si on les laisse et qu'on ne parle pas sur eux, quand connaîtra-t-on la vérité? Si le savant se tait et ne dénonce pas les égarements des égarés, quand pourrait-on connaître la vérité? Ça aussi, c'est un point important. Si les gens de science, les savants, les étudiants, les prédicateurs ne parlent pas, comment va-t-on connaître la vérité? Comment va-t-on distinguer entre le vrai et le faux? On voit donc que ceci est une chose nécessaire et que ceci fait partie de la préservation de la religion. Il ne faut pas se laisser berner par ces gens égarés qui viennent et nous disent « Regardez aujourd'hui, il y a des mécréants, il y a des laïcs, il y a ceci, il y a cela. La communauté est dans un état de faiblesse. Alors, pourquoi parlons-nous les uns sur les autres ? Est-ce qu'encore à notre époque, nous sommes là à parler les uns sur les autres et à nous diviser entre musulmans ?» Subhanallah. Cette parole démontre clairement l'ignorance de celui qui la prononce. Pensez-vous que c'est par les innovations que la situation des musulmans va s'améliorer? Pensez-vous que c'est en suivant les voies déviées, les voies des frères musulmans, les voies d'établir, les voies des Asha'ira et autres parmi les groupes et les sectes innovées que la situation des musulmans va s'améliorer? Si on veut que la situation des musulmans s'améliore, il est impératif de mettre en garde contre ces sectes, afin de purifier l'islam de tout ce qui n'en fait pas partie parmi les égarements, les innovations et les choses nouvellement instaurées en religion. Et ceci est indispensable. Mais cela, ils voudraient pouvoir parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme bon leur semble. Dire ce qu'ils veulent, agir comme ils veulent, sans que personne ne s'oppose à eux. Et c'est donc pour cela qu'ils réprouvent tout ce qui est lié à la nasiha, au bon conseil de manière générale, et aux mises en garde et aux réfutations de manière particulière. Ensuite, le Cheikh Saleh Ali Cheikh dit dans cette parole, « Il est obligatoire pour nous de mettre en avant la religion. La religion est plus importante pour nous que ces personnes. » C'est-à-dire que la religion, elle passe avant le fait de préserver l'honneur de cette personne qui a dévié de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la base, l'honneur du musulman est sacré. Nous ne devons pas parler sur lui. Mais à partir du moment où il transgresse, qu'il appelle les gens à l'innovation, qu'il appelle les gens à une voie égarée, qu'il appelle les gens à s'opposer à la sunna, et ainsi de suite. Alors, il est obligatoire pour nous de faire prévaloir la religion. Et préserver la religion est plus important que de préserver son honneur en nous taisant à ce sujet. Ensuite, il dit, par conséquent, si la réfutation d'un tel parmi les gens protège la religion, et que ne découle pas de cette réfutation un plus grand mal, comme l'effusion de sang ou autre chose semblable, dans ce cas-là, la réfutation est obligatoire. Et nul doute que la réfutation des contradicteurs fait partie des fondements de cette religion. Des fondements de cette religion. Fin de citation de la parole du Cheikh Saleh Ali Cheikh, Hafidhahullah Ta'ala, et vous pouvez la retrouver en ligne sur notre site al-nasiha.com. Réfuter les contradicteurs fait partie des fondements de cette religion. Donc malgré l'importance de ce fondement, il y a une certaine confusion qui existe à ce sujet. Car les gens n'arrivent pas à faire la différence entre ce qui est du domaine du conseil et ce qui est du domaine du dénigrement. Et d'un point de vue général, les gens se sont divisés à ce sujet en trois groupes. Deux extrêmes et la voie du juste milieu. Le premier groupe, ce sont ceux qui font preuve de laxisme à ce sujet et qui refusent toute réfutation, tout conseil, toute mise en garde, sous prétexte que ceci ferait partie du dénigrement des musulmans. Et bien souvent, ces personnes se cachent derrière cela par peur de se faire dévoiler, par peur que leur voie déviante soit mise au grand jour et que les gens prennent conscience qu'ils suivent une voie autre que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui ont exagéré à ce sujet et qui ont pris la nasiha, qui ont pris le conseil comme prétexte afin de dénigrer les musulmans et leur porter atteinte. Ils se sont alors mis à dénigrer les savants, à dénigrer les étudiants en sciences, à dénigrer les prédicateurs et prétendent le faire à titre de conseil ou de mise en garde. Et nombreux sont ces gens à notre époque. Enfin, le troisième groupe, c'est la voie du juste milieu, la voie des gens de la sunna et du groupe, ceux qui savent parfaitement que l'honneur des musulmans est sacré, mais qui en parallèle savent qu'il est parfois nécessaire de parler sur certaines personnes et de réfuter leurs erreurs dans un but de loyauté, de conseil et de préservation de la religion. Et comme on l'a dit, il n'y a pas de doute que l'islam a rendu sacré les biens, l'honneur et le sang des musulmans. Mais dans certains cas, Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus licites. Comme on a dit, celui qui parle sur la religion et qui fait des erreurs, ou celui qui appelle les gens à l'égarement, ou celui qui appelle les gens à s'opposer à la sunna, ou celui qui altère la religion d'Allah, ou celui qui interprète les textes du Coran et de la sunna d'une manière erronée, alors celui-ci doit être réfuté. On ne doit pas se taire à son sujet. Et bien sûr, comme l'ont mentionné les gens de science, il doit être réfuté avec science, sagesse et équité avec les preuves et les arguments. Et celui qui le réfute, il doit faire cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Son objectif doit être d'exposer la vérité et de mettre en garde la communauté contre le fait de tomber dans l'erreur et l'égarement. Ceci est indispensable. Il ne doit pas faire cela pour se soulager ou pour se venger ou pour le dénigrer ou le rabaisser. Mais il fait cela pour faire triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la préserver de toute altération. On va voir, inshallah ta'ala, plus de détails à ce sujet au cours de notre lecture de cette épître, inshallah ta'ala. Donc on a dit que cette épître est intitulée Al-Farqu bayna an-nasihati wa at-ta'yir, la différence entre le conseil et le dénigrement. Et elle est de l'imam Zainuddin Abdurrahman ibn Ahmad ibn Abdurrahman, surnommé Rajab, al-Baghdadi, puis al-Dimashqi, al-Hambali, connu sous le nom de Ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala. Ce cheikh est donc un savant des Hanabila du 8e siècle de l'Égypte. Il est né à Bagdad en l'an 736 de l'Égypte et il a grandi dans une famille de sciences. Son père s'est rendu à Damas alors qu'il était encore enfant. Ibn Rajab n'avait alors que 8 ans, en l'an 744 de l'Hégire. Et c'est là-bas qu'il a appris les bases des sciences religieuses. Et il a appris la science auprès de nombreux chouyours, et parmi les plus connus, il y a le grand savant et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et al-Hafidh Ibn Rajab a écrit de nombreux livres très profitables, qui sont des références pour les gens de l'islam, que ce soit dans le tafsir, dans le fiqh, dans le hadith ou dans le comportement et autres. À titre d'exemple, il a écrit un commentaire de Sahih al-Bukhari intitulé Fath al-Bari, qui est différent de Fath al-Bari d'Ibn Hajar. Également, il y a son commentaire très connu des 40 hadiths Nawawi intitulé Jami' al-Ulum wal-Hikam. Et il a écrit d'autres livres et plusieurs épîtres très profitables, comme cette épître que nous avons entre les mains. Il est mort, rahimahullah ta'ala, en l'an 795 de l'Hégire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, ainsi qu'à l'ensemble des savants de la communauté. Donc dans cette épître, comme on a dit, le shaykh, rahimahullah ta'ala, va nous exposer la différence entre le conseil et le dénigrement. Et cette épître, elle se divise en 6 parties. La première est l'introduction, que l'on va commencer à lire aujourd'hui, inshallah ta'ala, dans laquelle il a expliqué le sujet et exposé certains fondements sur cette question. Ensuite, dans la seconde partie, il va nous exposer les différentes formes de nasiha, les différentes formes de conseil. Dans la troisième partie, il va nous exposer la manière d'adresser le conseil. Dans la quatrième partie, il va nous mentionner le châtiment de celui qui dénigre les musulmans. Dans la cinquième partie, il va parler de manière plus détaillée du dénigrement. Et enfin, dans la sixième partie, il va nous mentionner le remède à cela, c'est-à-dire comment faire face au dénigrement que le musulman peut subir. On va donc commencer aujourd'hui à lire ce livre, avec la traduction rapprochée de ses sens, et quelques légères explications car l'auteur, rahimahullah ta'ala, en réalité, était très clair dans cette épître. Il a donc dit, rahimahullah, « Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatuhu wa salamuhu ala imam al-muttaqin, wa khatam al-nabiyyin, wa alihi wa sahbihi ajma'in, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Il a donc commencé par dire, louange à Allah, Seigneur de l'univers, que la prière et le salut soient sur l'imam des pieux et le sceau des prophètes, ainsi que sur sa famille et l'ensemble des compagnons et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière jusqu'au jour de la résurrection. Ceci dit, فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير. Voici donc des paroles courtes et succinctes au sujet de la différence entre le conseil et le dénigrement. On voit donc que le Cheikh rahimahullah ta'ala a qualifié son épître comme étant courte. En effet, comme vous allez le voir, elle ne fait que quelques pages. Mais en même temps, elle est succincte. C'est-à-dire qu'il a exprimé l'essentiel à ce sujet en peu de mots. Certes, il ne s'est pas trop étalé, mais en même temps, il n'a pas négligé la mention des points importants à mentionner à ce sujet. Il dit donc qu'il va nous exposer la différence entre le conseil an-nasiha et le dénigrement at-ta'yir. An-nasiha, en arabe, c'est un nom qui vient du verbe nasaha. An-nasih, c'est celui qui est pur. Lorsqu'on dit qu'un miel est nasih, cela veut dire qu'il est pur. Il a été filtré de toute chose qui pourrait le souiller. Et ici, on a traduit an-nasiha par le conseil. Car an-nasiha a été défini par les gens de science comme étant l'appel à ce dans quoi se trouve le bien et l'interdiction de ce dans quoi se trouve la corruption et le mal. C'est ça la nasiha. Lorsque tu souhaites donner un conseil, donner une nasiha, cela signifie que tu vas appeler un bien ou alors tu vas interdire un mal. Tu vois une personne faire un péché, alors tu lui adresses une nasiha. Tu lui interdis ce péché. Tu vois une personne manquer à ses obligations, alors tu l'appelles à accomplir cette obligation, tu lui adresses une nasiha. Ceci est donc le sens d'une nasiha, que tu appelles la personne au bien à accomplir ses obligations, à accomplir le bien, ou alors à délaisser une chose qui est interdite. Et at-ta'yir, le dénigrement, cela désigne le rabaissement. Lorsqu'on dit que quelqu'un a été dénigré, cela signifie qu'il a été rabaissé. Qu'il a été rabaissé en raison de sa généalogie, ou en raison de ses origines, ou en raison de son métier, en raison de son apparence, en raison de sa couleur, ou autre chose encore. Et ceci est interdit dans notre noble religion. Il est interdit de dénigrer ou de rabaisser un musulman s'il n'y a en cela aucun intérêt religieux. On voit donc à travers ces définitions que le conseil est différent du dénigrement. Donc pourquoi l'auteur, rahimahullah ta'ala, a écrit cette épître afin de nous clarifier la différence entre ces deux choses? La réponse, elle se trouve dans la suite de sa parole lorsqu'il dit, rahimahullah, فَإِنَّهُمَا يَشْتَرِكَانَ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ذِكْرُ الْإِنسَانِ بِمَا يَقْرَهُ ذِكْرَهُ. Et ces deux mots se réunissent quant au fait que tous deux désignent le fait de mentionner l'homme par une chose qu'il réprouve. C'est-à-dire que le conseil, an-nasiha, et le dénigrement, at-ta'yir, ils ont en réalité un point commun. Et ce point commun, c'est quoi? C'est que lorsque tu adresses une nasiha, un conseil, tu vas mentionner au sujet de la personne une chose qu'elle réprouve. Il se peut que tu mentionnes un de ses péchés, que tu mentionnes une de ses erreurs, que tu mentionnes un de ses manquements. Tu vas donc mentionner une chose qu'elle réprouve. Et il en est de même pour le dénigrement. Celui qui dénigre une personne, il va mentionner ses défauts. Ou un de ses défauts. Et cette personne-là va réprouver que son défaut soit mentionné. Et lorsqu'elle est conseillée, il en est de même. On va mentionner un de ses défauts. Pourquoi? Afin que les gens prennent garde à cela. Si par exemple, c'est une personne qui est tombée dans l'innovation, on va mettre en garde contre son innovation. Si par exemple, c'est une personne qui fait des erreurs dans le domaine religieux, on va mettre en garde contre ses erreurs, afin que les gens prennent garde, et ainsi de suite. Et celui qui est conseillé, il va réprouver cette parole. À supposer que quelqu'un soit un menteur. Alors on va dire, un tel est un menteur. Si cette parole est prononcée dans le but de conseiller la communauté, recherchant par cela à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci est une chose louable. C'est une chose louable de dire, un tel est un menteur. Car l'objectif est d'avertir les gens contre ces mensonges, et qu'ils ne soient pas trompés par ces mensonges. Mais si tu mentionnes cela avec pour intention de l'humilier devant les gens, avec l'intention de le rabaisser. Il s'est par exemple trompé, a fait une erreur. Et toi tu veux l'humilier, et dire que c'est un menteur, le rabaisser. Alors dans ce cas-là, Ceci est une chose blâmable. Et celui qui prononce cette parole est dans le péché. On voit donc qu'il y a une différence entre le conseil et le dénigrement, malgré que ces deux choses ont un point commun. Dans les deux cas, on a dit la même parole. Un tel est un menteur. Dans la première situation, c'est une parole qui est permise, voire même obligatoire, car il y a un intérêt en cela. Et l'objectif, c'est le conseil de la communauté. Et dans la deuxième situation, c'est un dénigrement dont l'auteur est dans le péché. On voit donc que le jugement diffère en fonction de la situation. Et on va revenir sur cela, inshallah ta'ala, au cours de la lecture. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَقَدْ يَشْتَبِهُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ كَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ. Et la différence entre les deux peut être confuse pour beaucoup de gens, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde le suivi de ce qui est juste. Celui qui n'a pas de science, qui ne chemine pas à la lumière des textes du Coran et de la Sunna, il se peut qu'il soit difficile pour lui de faire la différence entre un conseil et un dénigrement. Il se peut qu'il souhaite porter le conseil, mais qu'en raison de son manque de science, ou en raison de son ignorance des normes religieuses établies par les gens de science dans ce domaine, son conseil se transforme en dénigrement. Il voulait conseiller, mais au final, il a dénigré. Pourquoi? Car la différence entre le conseil et le dénigrement est confuse pour lui. Et de la même manière, à l'opposé, d'autres personnes ne vont pas faire la différence entre le conseil et le dénigrement et vont considérer tout conseil comme étant une forme de dénigrement. Comme ceux que vous voyez dès qu'ils écoutent une mise en garde. Ah non, non, ne dénigre pas les musulmans. Je ne veux rien écouter sur les musulmans. Ne parle pas sur les musulmans. Tu divises les musulmans. Car il ne fait pas la différence entre le conseil et le dénigrement. Et ainsi de suite. Certaines personnes vont vouloir conseiller et vont au final tomber dans le dénigrement, et d'autres personnes vont considérer tout conseil comme étant une forme de dénigrement, et ce en raison de leur ignorance, car ils n'ont pas connu la différence entre le conseil et le dénigrement. Il est donc indispensable pour nous d'apprendre la différence entre ces deux choses, afin de pouvoir emprunter la voie du juste milieu à ce sujet, et nous soumettre à ce sujet aux règles religieuses, à ce qui est établi dans le Coran et la Sunna, et les paroles de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, et non pas au suivi des passions ou au désir des gens, mais seulement au texte, car c'est à cela qu'on se réfère dans chacune de nos divergences, au texte du Coran et de la Sunna, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a dit: I'lam anna dhikra al-insani bima yaqra muharram idha kana al-maqsood minhu mujarrad al-dham wal-aib wal-naqs. Sache que mentionner l'homme par une chose qu'il réprouve est interdit. Est-ce que c'est interdit de manière absolue? Non, le shaykh nous précise et nous dit: est interdit si l'objectif de cela est simplement de le critiquer, de le blâmer et de le rabaisser. Ceci est le jugement de base. Mentionner l'homme par une chose qu'il réprouve est interdit, que ce soit en sa présence ou en son absence, que ce soit par une chose vraie ou que ce soit un mensonge. Dans tous les cas, la base est que ceci est interdit. Les preuves à ce sujet sont nombreuses. Et parmi ces preuves, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Hujurat, au verset 12, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. On voit donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comparé ici la médisance au fait de manger la chair de son frère mort, une chose que l'homme réprouve de par sa saine nature. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour dit à ses compagnons: savez-vous ce qu'est la médisance? Ils ont alors dit: Allah et son messager savent mieux. Il dit alors: c'est le fait que tu mentionnes ton frère par une chose qu'il réprouve. Tu mentionnes ton frère par une chose qu'il réprouve, une chose qu'il n'aimerait pas entendre à son sujet. Alors, quelqu'un a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: vois-tu si se trouve en mon frère ce que je dis? C'est-à-dire si ce que je dis à son sujet est vrai. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils médisent sur leur frère ou sur leur sœur, ils disent « Non mais c'est vrai, je ne te mens pas. Même cela ne change rien au péché. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si ce que tu dis sur lui est vrai, alors tu as médit sur lui. Et si ce que tu dis sur lui est faux, alors tu as certes calomnié. » C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est un grand parmi les grands péchés, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Il n'est pas permis de mentionner au sujet de ton frère, au sujet de ta sœur, une chose qu'il n'aimerait pas qu'on mentionne à son sujet. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu. Donc, ceci est la base à ce sujet. Il est interdit de mentionner au sujet d'une personne une chose qu'elle réprouve. Le shir nous dit, si l'objectif à travers cela et simplement le fait de le blâmer, de le critiquer, de le rabaisser. Ensuite, il dit: فَأَمَّا إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً لِبَعْضِهِمْ وَكَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ تَحْصِيلَ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ بَلْ مَنْدُوبٌ. Il dit: mais s'il y a en cela un intérêt pour l'ensemble des musulmans, ou un intérêt spécifique à certains d'entre eux, et que l'objectif, en prononçant cette parole, en prononçant au sujet de cette personne une chose qu'elle réprouve, est d'atteindre cet intérêt, alors ceci n'est pas interdit, c'est plutôt recommandé. Si par exemple, une personne se met en avant dans le prêche et appelle à une voie innovée, appelle à une voie contraire à la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, appelle au suivi d'une secte, ou pratique certaines choses qui ne sont pas légiférées et invite les gens à le suivre en cela. Alors dans ce cas-là, il y a un intérêt pour l'ensemble des musulmans à mentionner au sujet de cette personne ce qu'elle réprouve, à dire celui-ci est un innovateur, celui-ci suit la voie des frères musulmans, la voie des Asha'ira, la voie de ceci ou de cela. Bien sûr, il va réprouver cette parole. Cela ne va pas lui plaire d'entendre cette parole. Mais sa réprobation ici, elle n'est pas prise en considération. Pourquoi? Car l'intérêt de la préservation de la religion est plus important que l'intérêt de ne pas mentionner à son sujet ce qu'il réprouve. Donc s'il y a un intérêt pour l'ensemble des musulmans, ici il sera permis de mentionner au sujet de cette personne ce qu'elle réprouve. Et l'objectif n'est que d'atteindre cet intérêt. Également, il nous dit, ou alors un intérêt spécifique pour certaines personnes. À supposer qu'un homme est un pervers sur le plan moral, qu'il a des mauvaises mœurs, et qu'il demande en mariage la fille d'un musulman. Toi, tu es au courant des mauvaises mœurs de cette personne, et tu es au courant que la fille de cet homme qui est demandée en mariage est une fille vertueuse. Vas-tu laisser cette personne corrompue et pervertie se marier avec cette fille vertueuse sans avertir le père de cette dernière? Bien sûr que non. Tu vas l'avertir à son sujet. Tu vas lui dire, prends garde à cet homme. Cet homme a fait ceci et cela, etc. Car il y a un intérêt en cela. Il y a un intérêt pour cette fille, il y a un intérêt pour son père, afin de les préserver du mal de cette personne. Donc dans ce cas-là, bien que cet homme perverti, cela ne lui plaira pas que l'on mentionne ses défauts, que l'on mentionne ses péchés. Mais l'intérêt ici est plus grand. Et il y a un intérêt pour cette fille qui est demandée en mariage et pour son tuteur, qui prend la responsabilité de ce mariage. Et ceci ne sont que des exemples, afin de bien comprendre que lorsqu'il y a un intérêt, alors il sera permis de mentionner au sujet de la personne ce qu'elle réprouve. Que cet intérêt soit général pour l'ensemble de la communauté, ou que cet intérêt ne concerne que certaines personnes parmi les musulmans. Dans certains cas, cela peut être permis, dans certains cas, cela peut être recommandé, et dans certains cas, cela peut même être une obligation de mentionner les défauts de cette personne afin d'avertir contre son mal. Et la règle à ce sujet, comme l'ont mentionné les gens de science, est que la médisance n'est permise que si elle a un objectif religieux qui ne peut être atteint que par celle-ci. Notez cela, c'est une règle importante. La médisance n'est permise que si elle a un objectif religieux qui ne peut être atteint que par celle-ci. C'est-à-dire que si on peut atteindre cet objectif d'une autre manière, alors il ne sera pas nécessaire de mentionner au sujet de cette personne ce qu'elle réprouve. Mais si le seul moyen d'atteindre cet objectif religieux, d'atteindre cet intérêt, et de mentionner au sujet de cette personne ce qu'elle réprouve, alors ceci sera permis et cela ne sera pas considéré comme un dénigrement qui est interdit. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, nous explique que ceci est ce qui a été stipulé par les savants du hadith dans leur livre, et on verra cela dans le cours de demain, inshallah ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum.